بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Lorsque la terre aura tremblé de son plus violent tremblement. وأخرجت الأرض أثقالها. Et qu'elle aura rejeté tous ses fardeaux. وقال الإنسان ما لها. Et que l'homme aura demandé qu'est-ce qu'elle a. يومئذ تحدث أخبارها. Ce jour-là, elle dira son histoire. بأن ربك أوحى لها. D'après ce que ton Seigneur lui aura ordonné. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ce jour-là, les hommes sortiront par groupes épars pour répondre de leurs œuvres. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Celui qui aura fait ne fût-ce que le poids d'un atome en bien le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et celui qui aura fait ne fût-ce que le poids d'un atome en mal le verra.